guise, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social multinational fait péter. Quand tu parles de bêtises, pense à son efficacité. Marketing, lavage de cerveau, publicité. T'es bien dans cette guise, mais tu ne sais pas comment lutter. Un siège social multinational fait péter. Thank you.